Check. Check, c'est toi? Ouais. T'as vu l'heure à laquelle tu rentres? On t'a attendu toute la soirée, les enfants et moi. Ton grand-père m'a appris pour Loïc et franchement, je suis désolée pour lui, quoi. Enfin, j'ai peur que t'ailles faire des bêtises. Mais c'est pas une raison pour te laisser aller, c'est pas une raison pour rentrer à cette heure-ci. Tu sais, tes copains vont t'attirer que des ennuis. Et surtout, ne va pas croire qu'ils vont trouver un travail pour nourrir ta famille. C'est pas dehors qu'on a besoin de toi, c'est ici qu'on a besoin de toi. Qu'est-ce que vous avez tous? Grand-père, grand-mère, maintenant c'est toi. Comment ça, qu'est-ce Tu qu'on crois a que je cherche tous? pas de travail? J'en ai même marre de savoir à l'avance le type de réponse qui vont me servir. Au point que parfois je finis par croire que je suis omniscient. Comment ça? Pas assez d'expérience, monsieur. Vous êtes surdiplômé. Monsieur, malheureusement, le poste vient juste d'être pourvu. Arrête, arrête, Nous arrête. Vous rappellerons si on a tu besoin crois de vous, que t'es le monsieur. seul dans cette situation? J'en ai marre de cette hypocrisie ambiante. Ce racisme viscéral, égalité pour tous, pays des droits de l'homme, Comment mon ça, cul. T'en as marre de cette hypocrisie? À quoi ça sert que j'ai été jusqu'à la maîtrise pour finalement me retrouver RMiste, hein, dis-moi? Ça sert à quoi? Je donnerai tout pour vous et tu le sais. Tu sais aussi que j'ai cherché à fonctionner selon leurs règles. Et alors? Et alors? Leurs lois ne sont pas faites pour nous. Ah ouais? Et tu vas faire quoi maintenant? Maintenant, j'ai compris que si on veut avoir une chance de s'en sortir, il nous faut créer nos propres règles du jeu. C'est pas la solution. Ah ouais? Bah c'est ce qu'on bah, va voir. Vas-y, va avec tes copains, va faire des conneries. Va jouer au gangster, allez, va jouer au gangster.